Le cours de l'histoire. Xavier Mauduit. À Lyonneur d'Aquitaine et les Plantagenêts, le temps des crépuscules. La mort d'un souverain peut-elle être une bonne nouvelle? Peut-être pour Aliénor. Henri II d'Angleterre retenait son épouse en captivité depuis de longues années après une sombre histoire de révolte. Ah, les souverains sont susceptibles. Quand Henri II meurt en 1189, Aliénor est libérée après 16 ans de captivité, libérée par la décision de leur fils Richard, ce cœur de lion qui bat d'amour pour sa maman. Elle ne le sait pas encore, mais il lui reste 15 ans à vivre. Ce dont elle est certaine, c'est qu'il lui reste encore beaucoup de choses à réaliser. Un roi tel que vous a une politique toute prête sur chaque chose. Quelle gentillesse la vôtre de me faire sortir de ma geôle. C'est seulement pour les fêtes. Comme une écolière, vous me rajeunissez. À la fin du XIIe siècle, le roi d'Angleterre, Richard Cœur de Lion, partit pour la croisade en Terre Sainte. Comme la couronne du roi Richard sied à votre noble front. Oui, elle sied. Ah, le roi Richard! Richard Cœur de Lion a équipé une armée à très grands frais. Il rejoint à Vézelay les troupes de Philippe Auguste. Ainsi vécut et mourut Henri II, comte d'Anjou, roi d'Angleterre dans sa ville de Chinon. Aliénor d'Aquitaine, Frédéric Lachaud, bonjour. Bonjour, Xavier Mauduit. Quel destin. Non, il faut le dire, quel destin. Nous nous intéressons à l'histoire de cette femme qui fut reine de France, puis, quasiment dans la foulée, reine d'Angleterre, qui après s'être révoltée contre son mari, le roi, sans doute pour soutenir ses enfants, s'est retrouvée en captivité, une longue captivité, je l'évoquais, hein, 16 ans de captivité. Oui, c'est une longue captivité, donc elle est capturée en novembre 1173, d'abord au château de Chinon, est enfermée à Chinon, ensuite on lui fait traverser la Manche par très mauvais temps, par un temps de tempête, en juillet 1174, et alors elle est d'abord enfermée au château de Salisbury, donc en fait sur les hauteurs de la ville actuelle. C'est plutôt une résidence surveillée, un palais qu'elle connaissait, qu'elle avait fréquenté régulièrement, donc un séjour qu'elle aimait bien. Et ensuite, elle est, semble-t-il, transportée d'un château à l'autre dans le sud de l'Angleterre. Plutôt une résidence surveillée relativement agréable. Et à partir de 1185, on lui permet en fait d'apparaître à plusieurs reprises à la cour. Elle traverse même la mer pour être présente lors d'une cour à Chinon. Les choses deviennent un peu plus difficiles vers la fin du règne, à partir du moment où Richard se révolte à nouveau contre son père. À ce moment-là, Henri II prend des dispositions pour être certain qu'il plus de communication entre Aliénor et ses deux fils. C'est compliqué quand même pour ce papa, Henri II d'Angleterre, avec des enfants, un tantinet rebelle. Peut-être trop proche de lui par l'âge, et il a commis sans doute l'erreur de vouloir faire couronner Henri le Jeune en 170 sans lui laisser de véritables pouvoirs et sans réaliser que ça ne pouvait que conduire celui-ci à voilà réclamer sa part. Et on a fait la comparaison avec Frédéric Ier Barberousse, l'empereur, qui a aussi des fils et qui a su développer une politique plus généreuse à l'égard de ses enfants. Mais là, il y a des tensions, comme on l'a dit dans les deux autres émissions, qui sont exploitées aussi par les noblesses locales qui n'ont pas toujours intérêt à ce que cette domination demeure en l'état. Avec ce système féodal aussi, hein, faut le rappeler, c'est-à-dire que de son vivant même, Henri II d'Angleterre donne des terres, des titres à ses enfants. Qui lui prête hommage, ce qui choque tout le monde. Enfin, plusieurs chroniqueurs disent les fils n'ont pas à prêter l'hommage à leur père. Donc on a des constructions féodales assez complexes qui ne sont pas toujours en accord avec la politique familiale. Frédéric Lachaud, vous êtes professeur d'histoire médiévale à Sorbonne Université. Avec ce regard que vous portez sur le XIIe siècle, qui est un XIIe siècle, on n'arrête pas de le rappeler, mais réellement fascinant, hein, par les créations artistiques, c'est une chose, et aussi par cette vivacité politique où tous ces gens se déplacent, se rencontrent sur des territoires extrêmement vastes. Aliénor est en captivité, j'ai envie de dire que c'est peut-être le seul moment de son existence où elle ne bouge pas beaucoup. où elle bouge peu et sans doute à ce moment-là a une vie spirituelle peut-être plus intense, enfin plus voilà, se tourne vers la religion. On peut penser que c'est à ce moment-là que peut-être on lui lit plutôt des bestiaires, enfin donc des pièces religieuses. Enfin c'est à ce moment-là sans doute qu'elle a curieusement, de manière paradoxale, un véritable rôle, un patronage littéraire. Ben voilà, c'était au moins ce temps très particulier de la captivité pour réfléchir, écrire, lire évidemment. Mais comme tout le monde, les rois sont mortels. Henri II entre en conflit avec Thomas Becket. Et le 20 décembre 1170, quatre chevaliers partis de Chinon massacrent l'archevêque de Canterbury. À partir de cette date, Henri II doit lutter contre ses fils, Geoffroy, Henri, Jean Santerre et Richard Cœur de Lion. Battu au Mans, il se réfugie à Chinon. Miné par la colère, le chagrin, la solitude, Henri II sent venir la mort et se fait porter devant l'autel de la chapelle Sainte-Mélaine. Et là, il avoue publiquement ses fautes. Le roi Henri avait souhaité d'être enterré à Fontevraud, célèbre abbaye de femmes à quelques lieues de Chinon. On eut peine à retrouver des gens pour l'envelopper dans un linceul et des chevaux pour le transporter. Ainsi vécut et mourut Henri II, comte d'Anjou, roi d'Angleterre dans sa ville de Chinon. Henri II Plantagenet. À Chinon, présenté dans Loire-Bretagne, actualité, nous étions en 1971. Cette mort d'Henri II, Frédéric Lachaud, c'est une bonne nouvelle pour Aliénor ? Sans doute. Hein. En fait, Henri II aurait souhaité être inhumé à Grandmont. C'est Guillaume le Maréchal qui assiste à son décès, qui prend la décision de le faire inhumer à Fontevraud. Qui était déjà un séjour familial. Bon, la famille avait des attaches avec Fontevraud, hein, du côté d'Aliénor comme du côté d'Henri II. Oui, certainement, c'est ce qui lui permet d'être libéré, hein, puisque Richard Cœur de Lion prend aussitôt la décision, alors qu'il est à Fontevraud en présence du corps de son père, il prend la décision aussitôt de faire libérer sa mère. Il envoie des ordres immédiatement, donc elle est immédiatement libérée et en fait reçoit tout pouvoir en Angleterre pour préparer l'accession de Richard en Angleterre. Voilà, c'est un changement absolument radical, hein. On est vraiment au moment de cette mort d'Henri II en 1189 avec nous pour parler de ces dernières années d'Aliénor d'Aquitaine, mais ces dernières années tellement remplies. Fabien Paquet, bonjour. Bonjour. Vous êtes maître de conférence en histoire médiévale à l'université de Caen-Normandie. Quelle est la succession possible ? Alors, Henri II meurt. Non, mais c'est vrai que ce monde féodal est un monde qui nous échappe, au sens où, dans notre lecture facile des choses, le roi meurt, bon, son fils aîné va le remplacer. C'est pas du tout comme ça qu'on doit concevoir la succession d'Henri II. C'est pas aussi simple en effet, d'autant qu'on est dans un univers qui est la maison Plantagenet, où les règles de succession sont pas toujours si clairement établies que ça. On le verra peut-être tout à l'heure avec la mort de Richard, qui pose davantage de problèmes. Et puis l'autre question, c'est cet empilement dont on a déjà entendu parler depuis le début de la semaine, de différents titres sur la tête du même homme, qui fait qu'il y a une succession pour l'Angleterre, une succession pour la Normandie, une succession pour les autres domaines d'Henri II, qui fait que effectivement le débat va vite apparaître. Ceci dit, pour la succession d'Henri II, finalement, Aliénor parvient à imposer Richard Cœur de Lion, qui apparaît comme quand même le candidat le plus solide, et elle va l'accompagner dans ses premiers moments pour solidifier l'œuvre administrative et globale de son père, fondée sur la pacification de la société, etc., sur le contrôle de l'aristocratie, hein, puisque on l'a déjà dit, tout ça, c'était histoire d'aristocrates, qui bougent les uns par rapport aux autres, hein, qui se positionnent dans telle partie à tel moment, etc. Il n'y a pas de fidélité définitivement acquise, forcément. Et puis surtout, c'est Aliénor qui, dans un premier temps, va apparaître comme la garante de la continuité avec Henri II. Elle retrouve, dès qu'elle sort de sa captivité bien surveillée, un pouvoir d'action qu'elle avait perdu depuis 15 ans. Et elle va reprendre goût, hein, ce pouvoir d'action, elle va réémettre des chartes à Thiers-Larigot, elle va s'affirmer politiquement et elle va assurer la succession en faveur de Richard. Une question qui se pose tout de suite, c'est que Richard Cœur de Lion, bah, d'accord, il a la succession, mais il laisse sa mère tout faire. C'est très étonnant. On se dit, mais pourquoi ? La situation sur le continent est une situation de crise après les dissensions entre Philippe Auguste qui soutenait donc Richard et le jeune Jean et Henri II. Donc l'urgence, c'est véritablement de régler la situation, de pacifier les domaines continentaux. Et de toute façon, c'est la priorité de Richard qui s'intéresse peu à l'Angleterre, sauf comme source de revenus. Donc il donne des ordres à sa mère pour qu'elle gère absolument toute la situation en Angleterre. Alors la première chose qu'elle fait, c'est qu'elle fait libérer tous les prisonniers. Et elle dit elle-même qu'elle a l'expérience de ce que c'est qu'être emprisonnée. Donc c'est assez touchant, assez intéressant. Elle envoie également des commissions de juges dans tous les comtés pour faire juger les affaires les plus urgentes. Donc elle pacifie véritablement le royaume et elle oblige également les nobles à prêter serment de fidélité au futur roi. Donc elle a un rôle essentiel, sans avoir de titre particulier, elle a un rôle essentiel dans l'accession au trône de Richard, puisque celui-ci est d'abord couronné duc de Normandie en juillet, le 20 juillet, mais il faut attendre le 3 septembre pour qu'il soit couronné à Westminster. Donc elle a pendant plusieurs semaines un rôle absolument crucial qui va permettre l'accession au trône de Richard. Parce que, alors curieusement, Henri II s'était absolument refusé à désigner Richard comme son successeur direct. Est-ce qu'il avait dans l'idée de partager ces domaines entre Jean et Richard? On a du mal à saisir exactement les ambitions d'Henri II. Mais enfin, il y avait en effet un problème de succession, alors qui n'a été réglé qu'après la défaite finale d'Henri II face à Philippe Auguste Richard le 3 juillet. Bon, là, il est obligé de céder, mais jusqu'au dernier moment, il s'est vraiment refusé à désigner clairement Richard comme son successeur. Voilà, pour des raisons un peu complexes. Oui, des raisons complexes, et on le sent bien, ce monde-là est complexe, Fabien Paquet. Et puis, ce qu'il faut avoir en tête aussi, c'est qu'Aliénor est très, très au fait du contexte global, et puis elle va vite comprendre qu'elle peut profiter de la relative faiblesse du pouvoir capétien à ce moment-là. Quand Richard accède grosso modo au pouvoir, on est sur la fin du règne de Louis VII, et surtout sur le début du règne de Philippe Auguste, qui devient roi en 180. C'est un roi qui est encore assez mal installé, finalement, Philippe Auguste. Il a accédé au pouvoir, il avait que 15 ans, il y a un décalage quand même chronologique entre les deux personnages. Et il est pas encore tout à fait assuré de ses bases féodales. Il a des conflits avec plusieurs féodaux dans le nord du royaume. Il a des conflits, évidemment, avec les Plantagenets, etc. Donc, Aliénor, elle a tout à fait conscience, et Richard aussi, d'ailleurs, qu'il y a un coup à jouer pour solidifier les domaines continentaux, comme le disait Frédéric, et notamment le dossier normand, qui est la principauté probablement la plus riche, qui rapporte le plus au pouvoir plantagenet, qui est la principauté historique, dont Richard fait un des cœurs de son pouvoir, et qui est parfaitement située à l'interface entre l'Angleterre, les possessions continentales, et sur la Seine, qui est un des axes économiques majeurs à ce moment-là. Frédéric Lachaud, je profite que vous soyez là pour réviser un peu la généalogie. On parle de Philippe Auguste, roi de France, très bien. C'est le fils de Louis VII. C'est le fils de Louis VII. Et alors, il a été couronné deux fois du vivant même de son père. Pas mal. Et ça, c'était une habitude capétienne, de toute façon, pour consolider la succession. Ce que les rois anglo-normands n'ont jamais véritablement réussi à faire, sauf dans le cas catastrophique d'Henri le Jeune en 170. Et alors, la seconde fois, c'est parce que son père a une attaque, et en fait est paralysé et incapable de gouverner. Donc, il est essentiel qu'il soit vraiment consolidé dans son pouvoir, et surtout qu'il ait la main sur le trésor et sur le sceau royal. Oui, ça veut dire que ce Philippe Auguste, fils de Louis VII... Mais Louis VII, c'était le premier mari d'Aliénor d'Aquitaine. C'est le premier mari d'Aliénor. Alors, ça fait des relations compliquées. Bizarre. Oui, on s'interroge sans cesse, surtout quand on commence à prévoir des mariages entre les filles du deuxième mariage de Louis VII avec des fils d'Henri II. Voilà, on se dit quand même que c'est une famille un petit peu complexe, mais les très grandes familles princières n'ont pas trop de choix quand il s'agit de se marier. Voilà, donc, mais très certainement, enfin, il y a, alors, pour ce qui est de Louis VII, enfin, et d'Aliénor, on a tendance à introduire un facteur personnel, voire sentimental. Certainement, du côté de Louis VII, il y a un certain ressentiment. Du côté d'Aliénor aussi, peut-être, mécontentement de voir certains mariages se conclure. Enfin, voilà, mais ce sont surtout les chroniqueurs les plus comment dire hostiles, enfin, qui rentrent dans ce genre de considération. Donc, pour nous, c'est très difficile de percevoir tout cela. Enfin, c'est complexe. Et puis, Fabien Paquet, ça veut dire que Richard Cœur de Lion à la tête de l'Angleterre, quand il va voir son collègue Philippe Auguste à la tête du roi de France, Philippe Auguste, c'est le fils du premier mari de sa mère. C'est important de souligner ça parce que ça veut dire que ce ne sont pas des gens qui s'ignorent, ils sont dans la même culture, dans le même univers. Oui, effectivement, ils partagent un nombre de valeurs communes. On est dans l'aristocratie du XIIe siècle et du XIIIe siècle qui commence. On est dans le monde des valeurs chevaleresques, des valeurs de l'aristocratie, qui se côtoient régulièrement, qui partagent toute une série de valeurs qui vont être réactivées sur les champs de bataille, sur une façon de vivre au quotidien, une façon de consommer lors des repas, etc., etc. Il y a toute une série de codes qui se mettent en place. Et en même temps, je rebondis sur ce que disait Frédéric Lachaud, les chroniqueurs s'attellent à construire une différence entre ces deux familles. À la fois, ils appartiennent au même monde, mais il faut pas qu'ils soient tout à fait similaires. Et l'enjeu pour les chroniqueurs médiévaux, qui sont absolument pas des historiens comme nous et qui n'ont aucune volonté de dire le vrai, ça va être de typer chacune de ces familles et plutôt dans le sens de celles qu'ils ont envie de défendre. Et ceux qui perdent à ce jeu-là, c'est toujours les Plantagenets, qui sont décrits par les chroniqueurs continentaux, mais aussi les chroniqueurs anglais très rapidement comme étant une famille qui vient du diable, qui va au diable, qui est marquée par la traîtrise, la félonie, voire le meurtre, etc. Alors que les Français, la monarchie française, la monarchie capétienne est plus portée comme étant une monarchie élue de Dieu, tout à fait, recommandée par Dieu, et beaucoup plus stable où les fils respectent le père, par ailleurs. Enfin, il faut dire que Philippe Auguste n'avait pas de frère, donc ça facilite aide. L'entente. Bah non, mais ça aide. C'est la différence de Richard Cœur de Lion avec tous ses frangins dont il faut gérer les susceptibilités. Est-ce qu'ils se connaissent ces deux-là, le Richard Cœur de Lion, donc le futur roi d'Angleterre, et puis celui qui devient le roi de France, Philippe Auguste. Ils se connaissent dans leur jeunesse? Tout à fait, ils se connaissent, ils se fréquentent. Il y a des séjours assez fréquents à la cour de France. Philippe Auguste, en fait, est assez proche des différents fils d'Henri II, a une amitié très forte, notamment avec Geoffroy. Et quand Geoffroy de Bretagne meurt des suites, semble-t-il, d'un tournoi en 1186, Philippe Auguste montre un très grand chagrin et le fait inhumer dans le cœur de Notre-Dame. Donc il y a une proximité très très forte. Alors qui est aussi une proximité politique. À certains moments, Philippe Auguste a, comme Louis VII avant lui, a avantage à attiser les différends au sein de la famille. Mais oui, il y a une proximité. Ce sont des gens qui se connaissent et qui vont tous se retrouver sur le théâtre de la Terre Sainte. Oui, parce que c'est ça, c'est cette histoire qui fait que ces gens qui se connaissent depuis leur jeune âge vont poursuivre, alors en parallèle souvent, mais parfois se croiser leur destin, avec pour cette jeunesse un moment quand même très particulier que l'on retrouve dans le film Le Lion en hiver, ce lion qui est Richard Cœur de Lion, c'est le film d'Anthony Harvey en 1968 avec Catherine Hepburn qui joue justement sur cette relation. La scène, c'est le jeune roi, enfin le futur roi de France, qui discute avec Henri II à propos de Richard Cœur de Lion. Un roi tel que vous a une politique toute prête sur chaque chose. Me direz-vous quelle est l'opinion royale sur la sodomie? Que pense le roi d'Angleterre des garçons qui couchent avec des garçons? Richard a toujours été l'objet de tant de légendes. Écoutons la vôtre, ainsi nous pourrons comparer. Il me découvrit pour la première fois quand j'avais 15 ans. Nous chassions, il faisait presque nuit, mon cheval tomba, je fus désarçonné. Quand je m'éveillais, Richard me touchait de sa main. Alors il me demanda si je l'aimais. Philippe, m'aimes-tu? Et je lui répondis, oui. Savez-vous pourquoi je lui répondis oui? C'était pour pouvoir vous raconter un jour ce qui s'était passé. Je ne sais pas comment j'ai fait. Non, ce n'est pas la vérité! C'est la pure vérité. Tu m'aimais? Jamais. Le cinéma hollywoodien qui s'empare de cette histoire d'Aliénor d'Aquitaine, de Richard Cœur de Lion. Fabien Paquet, vous nous avez évoqué comment les chroniqueurs s'amusent à construire ces images dont nous sommes aujourd'hui les héritiers. Le cinéma hollywoodien, c'est autre chose. C'est vrai que l'homosexualité supposée de Richard Cœur de Lion, et pourquoi pas avec Philippe Auguste, c'est quelque chose, ça aussi, que l'on connaît aujourd'hui, que l'on croise parfois. Est-ce que c'est ce que l'on peut retrouver dans les textes les plus proches des événements? Alors, c'est très clair que tout ça, c'est effectivement de la légende. C'est de la surinterprétation d'éléments qu'on a pu voir ensuite. En fait, ça part d'une série d'images ou de représentations où effectivement, quand ils sont en croisade, Richard et Philippe, il peut leur arriver de partager la tente ou la couche ou des choses comme ça. Et après, bon, on surinterprète comme on veut les choses. Mais ce sont des pratiques tout à fait classiques dans cette aristocratie du XIIe, XIIIe siècle, sur lesquelles après on brode des légendes. De toute façon, cette famille est une usine à légendes potentiellement. Et puis quand on veut expliquer aussi, pour une série d'historiens, alors dès les périodes assez reculées, le fait que Richard tarde à se marier, on va forcément aller chercher du côté de l'homosexualité. Il y a une espèce de pli logique là qui s'opère dans l'esprit de certains, alors qu'on n'a aucune trace de cela et que les raisons du retard au mariage de Richard sont bien différentes en vérité. Oui, parce que il y a ces pratiques des familles aristocratiques, et puis il y a aussi des pratiques de chevaliers, de combattants entre eux. Frédéric Lachaud, vous nous avez dit que Richard part en croisade, Philippe Auguste également. Pourquoi partir en croisade? Il vient de recevoir un territoire absolument gigantesque. Il y a l'Angleterre. Alors, bien sûr, il y a maman Aliénor d'Aquitaine qui est toujours là. Pourquoi la croisade? La croisade, en fait, a été lancée après le fameux désastre de Hattin en 187 et la prise de Jérusalem par Saladin. Donc là, il y a un appel à la croisade auquel répondent très nombreux princes, dont Richard, qui, contre l'avis d'Henri II, parce qu'Henri II lui-même est très sceptique hein, quand il s'agit de la croisade, et puis de la volonté des clercs d'envoyer les chevaliers au front, il a des paroles très, très dures à ce sujet, mais Richard Cœur de Lion, qui a quand même un idéal religieux très, très fort, hein, qui est quand même le fondateur de plusieurs établissements ecclésiastiques, prend la croix dès 1187, et pour lui, c'est une véritable urgence. Et c'est aussi une des raisons pour lesquelles il reste aussi peu de temps en Angleterre après son couronnement. Et tout cela dans un contexte, une atmosphère eschatologique assez dangereuse qui se traduit dès le couronnement par le massacre de juifs à Londres qui est ensuite répété dans plusieurs villes et qui se termine par le fameux massacre et le suicide collectif de la communauté juive de New York en mars 1190. Donc tout cela dans une atmosphère très particulière, et quand il séjourne en Sicile, il rencontre le fameux abbé de Calabre, Joachim de Fior, qui lui dit qu'il va réussir en Terre Sainte. Donc il y a cette atmosphère très, très forte, cette dimension religieuse. Et alors, pour retourner à la question de l'homosexualité, pendant très longtemps, enfin récemment, c'est le genre de thématique qu'on avait soulevé, et puis ensuite on a dit non. Bon, et puis récemment, on est revenu sur la question d'un témoignage avec une fameuse pénitence de Richard Cœur de Lion qui semble bien montrer qu'il y a eu un crime d'ordre sexuel. Dans le même temps, Richard Cœur de Lion, on le sait, a un fils illégitime, Philippe de Cognac. Les sujets aquitains l'accusent de violenter les femmes, donc voilà, peut-être une bisexualité. Et la question du mariage tardif, elle est due, alors c'est quand même assez complexe, au fait que en 1169, il est donc fiancé à une des filles de Louis VII, donc la fameuse Adèle ou Aélis ou Alix, qui vient s'installer à la cour d'Angleterre, et dont Henri II, alors d'après certaines rumeurs, en tout cas c'est ce que Richard dit à Philippe Auguste quand il décide de briser les fiançailles, dont certaines rumeurs font la maîtresse d'Henri II. Enfin, donc, et elle aurait même eu un enfant de lui. Enfin, c'est ce que Richard menace de révéler en Sicile pour faire briser le mariage. Mais en fait, bon, il y a aussi des considérations d'ordre politique, c'est-à-dire qu'à un certain moment, quand il prend la décision de partir en croisade, également une des urgences, c'est de sécuriser le sud de l'Aquitaine contre le Toulousain, d'avoir une alliance avec la Navarre, et c'est là donc qu'il conclut une alliance avec Sanche de Navarre pour épouser donc sa fille Bérengère, qui a 30 ans à l'époque. La perpétuation de la dynastie déjà un petit peu compromise. Bon, c'est fou ce que vous nous racontez, parce que il y a ce va-et-vient entre l'intime, on peut le dire, mais l'intime n'est jamais intime quand il s'agit de ces dynasties, et puis des questions géopolitiques. Frédéric Lachaud, cette histoire d'une promise à Richard Cœur de Lion, qui est la fille de Louis VII, donc ça veut dire que c'est la sœur de Philippe Auguste, le roi qui est... La demi-sœur, oui. Ouais, demi-sœur. Non mais c'est absolument incroyable de se dire qu'elle a été alors la maîtresse ou alors violentée par Henri II. Ce sont des destins incroyables. Moi, on met souvent en avant Aliénor d'Aquitaine, bien sûr, mais on se dit, ces femmes qui sont comme ça envoyées, elle devient la maîtresse du roi alors qu'elle est promise aux frises du roi. Ce sont des cours avec une coexistence des hommes et des femmes, sans doute beaucoup d'adultères. Enfin bon, c'est aussi ce que raconte l'éclair, mais il y a certainement et on connaît des mariages qui sont dissous pour incompatibilité. Et les contemporains sont très conscients de l'importance d'avoir une bonne coexistence dans le mariage. Une des raisons pour lesquelles le mariage d'Aliénor avec Louis VII a été dissous, c'est l'incompatibilité entre les deux personnages. Aliénor elle-même est très consciente de cela. Quand elle va chercher ensuite Blanche de Castille pour consolider le traité du Goulet, elle va jusqu'en Castille pour choisir entre ses deux petites filles, entre Uraquet et Blanche. C'est bien pour être certaine qu'elle fera le bon choix pour le futur Louis VIII. Le choix, en tout cas, de Richard Cœur de Lion à ce moment-là, c'est de quitter ce monde-là pour aller en Terre Sainte, en croisade. Et là, il a affaire à Saladin. Saladin, jeune général d'origine kurde, a construit sa légende en unifiant le Proche-Orient islamique du XIIe siècle. Il a pris la tête de la lutte contre l'occupation des croisés en Terre Sainte. Pour combattre les infidèles, Saladin lève une armée de croyants, de musulmans. Il utilise la stratégie du djihad pour reprendre Jérusalem aux chrétiens. Sous la dynastie des Ayyoubides, c'est-à-dire la dynastie du sultan Saladin, les citadelles se multiplient. C'est le siècle des batailles pour le contrôle des places fortes. Mais il y aura aussi des trêves, et même des alliances objectives, entre chefs de guerre chrétiens et musulmans contre l'ennemi commun, la secte fanatique des Hachachines. Ces assassins lançaient des raids à la fois contre les croisés et contre Saladin. Les Francs se retranchent dans leur forteresse côtière après la chute de Jérusalem où Saladin les a épargnés. Pour Saladin, c'est le temps des négociations avec les croisés. Peu de temps après la trêve conclue avec Richard Cœur de Lion, il mourra subitement. Son nom évoque en Occident l'époque d'un islam glorieux, tolérant et chevaleresque. Saladin présenté à l'occasion de l'exposition « L'Orient de Saladin » à l'Institut du Monde Arabe, c'était en 2001. Fabien Paquet, comment ça se passe pour Richard Cœur de Lion en croisade ? Alors je voudrais revenir un tout petit peu sur le départ en croisade d'abord pour faire intervenir un autre acteur qui est aussi important pour ces questions de mariage dont on n'a pas encore parlé, c'est la papauté. La papauté qui est quand même le pouvoir en pleine phase d'ascension en cette fin du XIIe siècle. On va bientôt être sous le pontificat d'Innocent III, qui est le grand pape du tournant du XIIe et du XIIIe siècle, qui est le contemporain de toutes nos histoires, là, de Richard, de Jean et de Philippe Auguste. Et si les rois partent, c'est aussi un peu contraint par ce pape qui a encore même les moyens de les rappeler à leur vœu de croisade et à leur vocation de défendre la Terre Sainte. Et puis c'est le pape aussi qui va commencer à mettre son nez dans les affaires matrimoniales à ce moment-là. Il faut rappeler que le mariage devient un sacrement au XIIe siècle. Et ça explique probablement aussi les regards des chroniqueurs. Les clercs sont pris entre cette injonction cléricale dans le prolongement de ce qu'on appelle la réforme grégorienne, de faire du mariage une affaire contrôlée par l'Église avec des degrés de parenté, etc. Et puis les anciennes pratiques aristocratiques qui demeurent et qu'on a pu voir auparavant. Mais pour en revenir à la croisade, donc le pape appelle à la croisade, c'est aussi parce que la situation au Proche-Orient est très compliquée. On a entendu dans le son la volonté de Saladin, donc de la dynastie des Ayyoubides, de fédérer ce Proche-Orient autour de lui pour mettre dehors les chrétiens qui se sont installés depuis plusieurs décennies maintenant. Et puis il a un terrain favorable, Saladin, qui est la mort de Baudouin IV, le fameux roi lépreux de Jérusalem, qui tenait solidement ses états chrétiens et qui va laisser place derrière lui à une série de conflits peu importants ici, mais qui va donner la nécessité d'intervenir au Proche-Orient. Et effectivement, de ceux qui partent, il y a donc le roi d'Angleterre, le roi de France, et puis il y a aussi un contingent impérial notamment. Richard est probablement celui qui prend le plus les choses en main et qui le donne le plus de sens à ce geste. Globalement, c'est le roi chevalier qu'on retrouve et qui trouve dans la croisade l'expression de cette chevalerie. Avant de partir, il arrête par Rouen et il prend la légendaire épée, enfin, qui est toute légendaire bien évidemment, Excalibur, qu'il récupère à Rouen, donc pour faire un clin d'œil à son ancêtre potentiel Arthur. Et il va donc se lancer en croisade. Et c'est effectivement Richard qui va mener les grandes opérations de la croisade et qui va être le plus déterminant sur le terrain probablement. Et c'est grâce à lui notamment que les croisés vont prendre le port d'Acre, qui va assurer une petite solidification de la possession croisée sur la côte et qui va permettre de stabiliser un petit peu les choses pendant quelques décennies après leur départ de croisade. Frédéric Lachaud, pendant ce temps-là, c'est Aliénor qui s'occupe des affaires ? Alors, c'est Aliénor qui s'occupe des affaires sans avoir le titre de régente. En fait, au moment de son départ pour la croisade, Richard a créé une sorte de gouvernement double avec William de Mandeville, donc, qui est un baron, et Hugues du Puiset, donc l'évêque de Durham. William de Mandeville meurt assez rapidement. Et Richard le fait remplacer par son chancelier qui s'appelait Guillaume Longchamp, personnage assez extraordinaire, enfin un clerc de grand talent, dont on connaît l'œuvre en droit canon. Mais Guillaume Longchamp est un personnage très très ambitieux qui essaie d'accumuler les charges. Il obtient notamment sa nomination comme légat du pape avec le soutien d'Aliénor. Et assez rapidement, donc, il s'aliène une partie des élites anglaises et on a toute une série d'assemblées qui se tiennent pendant plusieurs mois afin de contrer les desseins de Guillaume de Longchamp. Et c'est un moment tout à fait intéressant parce que c'est là qu'on voit les nobles anglais pour la première fois véritablement assumer un véritable rôle politique, une certaine autonomie. Et c'est, je pense, une des raisons qui permet de comprendre le contexte de la Grande Charte en 1215. C'est-à-dire que la noblesse anglaise a pris l'habitude d'agir par elle-même. Donc, un moment tout à fait intéressant. Aliénor a très certainement, dans cette première phase, un rôle important, mais sans avoir le titre même de régente. En fait, c'est son fils Jean à qui on a donné le titre de régent. C'est son fils Jean qui est régent, parce qu'il ne faut pas l'oublier. Richard Cœur de Lion, s'il est en croisade, a quand même ses frères qui sont dans les parages. Alors, il n'a plus qu'un frère, donc qui est... C'est Jean. Qui est Jean Santerre, c'est celui-là. Qui est Jean Santerre. Alors, peut-être un surnom donné par Henri II lui-même au moment des premiers partages. À ce moment-là, Jean, qui est né en 166, est tout petit. Là, il a 3 ans, en 169, enfin, et 170. Donc, il est exclu des premiers partages. Il est remis à la garde de son frère aîné. Et le surnom lui viendrait de là. Et puis ensuite, on lui donne le comté de Mortain en Normandie. Il a des revenus importants. Et puis, il est surtout seigneur d'Irlande. Et on pense qu'Henri II, à un moment donné, a essayé de faire de l'Irlande un royaume. Mais s'est heurté au refus de la papauté. Donc c'est un... Et puis, quand Richard part en croisade, il n'a pas d'enfant. A priori, s'il meurt, c'est Jean Santerre qui prendra sa place. Et alors, en même temps, Richard prend des dispositions, dans un premier temps, pour empêcher Jean de rentrer en Angleterre. Il est censé demeurer en Normandie, il prête même serment de ne pas rentrer en Angleterre avant 3 ans. Et c'est Aliénor qui intervient. Alors ça, c'est peut-être une erreur politique de sa part, pour lui permettre de rentrer en Angleterre. Et on pense que derrière les machinations contre Longchamp, bon, qui n'est pas irréprochable, enfin, qui était quand même un grand fidèle de Richard, il y a certainement Jean qui essaie d'arracher un petit peu de pouvoir. Et très certainement, ce qui a conduit aussi peu à peu Jean à se détacher de sa fidélité à l'égard de son frère, c'est le traité de Messine qui a été passé par Richard avec Tancrède de Lecce à Messine pendant son séjour en Sicile. Et à ce moment-là, donc, il désigne, alors c'est souvent ce qu'on fait dans les rencontres diplomatiques, on commet ce genre d'erreur, mais il désigne son neveu Arthur comme étant son successeur. Alors que, voilà, Jean avait le sentiment que c'était quand même lui le successeur désigné. Et c'est une des raisons sans doute pour lesquelles, peu à peu, Jean s'est détaché de cela. À la fin du XIIe siècle, le roi d'Angleterre, Richard Cœur de Lion, partit pour la croisade en Terre Sainte. Pendant son absence, le perfide prince Jean usurpa la couronne. Le peuple n'avait plus qu'un seul espoir, Robin des Bois, qui détroussait les riches pour nourrir les pauvres. Cette couronne me donne un sentiment de puissance, de puissance! Pardonnez-moi cette hilarité de puissance. Et comme la couronne du roi Richard sied à votre noble front. Oui, elle sied. Ah, le roi Richard! Je t'ai interdit de mentionner le nom de mon frère. C'est ma langue qui a fourché, gracieuse majesté. Nous avons comploté ensemble, si j'ose me permettre cette expression. Et souvenez-vous, c'est vous qui m'avez suggéré de l'hypnotiser. Ah oui, je sais. Afin que Richard prenne part à cette satanée croisade. Partant, ce qui désola votre mère. Mère. Mère a toujours préféré Richard à moi. Votre grande, passe là, s'il vous plaît. Quand vous le sucez, Seigneur, votre royal pouce est très bruyant. Et la mère évoquée ici, c'est Aliénor d'Aquitaine. Nous avons tous reconnu Robin des Bois, le dessin animé de Walt Disney en 1973, avec les voix de Roger Carrel, qui est Triste Cire, Persifleur, c'est le serpent, et Philippe Dumas, le prince Jean, qui est un lion, c'est paradoxal d'ailleurs. C'est ici, Fabien Paquet, quelque chose qui est dans la mémoire populaire, et j'aime beaucoup l'idée que tout le monde a vu Robin des Bois avec ce lion et ce serpent juste à ses côtés. Ce sont les héros de notre histoire aujourd'hui, quand nous parlons de Richard Cœur de Lion d'Aliénor d'Aquitaine. C'est vrai que le personnage de Robin des Bois doit entrer dans cette histoire-là. Oui, mais je vais encore vous décevoir, je suis désolé. C'est une création bien postérieure à l'époque de Richard et de Jean Santerre, ce personnage de Robin des Bois. On en a les traces dans les derniers siècles du Moyen-Âge, éventuellement de quelque chose qui émerge. On a traqué des gens qui s'appelaient Robert Hood ou des choses comme ça au XIIIe siècle, mais on n'a aucune assurance d'un lien avec cette légende-là. Et puis on ne sait pas si les textes de la fin du Moyen-Âge s'inspirent véritablement. Encore une fois, on est dans cette époque qui est une forge à belles histoires et à histoires avec le frère qui trahit son frère, qui trahisse le père, avec l'alliance de la mère, avec ces personnages extraordinaires qui vivent plus de 80 ans, etc. On est dans un monde qui s'y prête, si je puis dire, avec, ça permet de mettre la croisade, le contexte de la chevalerie. Et là, on touche plutôt à ce qu'on va appeler le médiévalisme, c'est-à-dire la façon dont le Moyen-Âge est reçu à une période donnée. Et là, c'est le 19e siècle et le 20e siècle qui vont s'y donner à cœur joie, parce que pour créer une histoire qui fait médiéval, pour un public qui va fonctionner, pour faire des romans, des séries, des films, et puis Walt Disney derrière qu'on a entendu, eh ben c'est génial. On a tout ce qu'il nous faut. On a un chevalier, on a des histoires de dames, on a des histoires de combat, on a la croisade, on a la belle cour, etc., etc. Et le personnage de Robin des Bois va s'inspirer de ce moment-là et va s'ajouter à ce folklore-là pour devenir le héros qu'on connaît tous, mais qu'on connaît mal par ailleurs, parce que il faut bien imaginer que Robin des Bois, celui qu'on imagine, hein, le voleur qui prend aux riches pour donner aux pauvres, n'est qu'une variante de ce personnage-là, qui est en fait un personnage extrêmement protéiforme. Il est tantôt très violent, avec des origines presque scandinaves. Il est tantôt très doux avec les dames. Il est tantôt un aristocrate. Il est tantôt un paysan. Et en fait, ce qu'il faut bien mesurer, c'est qu'on pioche dans un bain culturel, dans un bain d'histoire. Et après, bon, on raconte celle qui nous arrange au moment donné pour le public qu'on cible. Voilà, parce que c'est ces histoires-là aussi qui entrent, ces histoires de construction tardive dans la mémoire du moment. En tout cas, Frédéric Lachaud, il y a une certitude. À beaucoup de personnages, beaucoup de déplacements, d'alliances, mais l'Empire, et je mets des guillemets Empire Plantagenet, fonctionne. C'est-à-dire que Richard Cœur de Lion est en croisade. Bien sûr, il y a ces tourments entre son frère Jean Santerre, Aliénor, mais ça fonctionne. Oui, ça fonctionne. Je suis un petit peu sceptique. Ça fonctionne pendant plusieurs décennies, un petit peu par le hasard aussi. Je pense que bon, dans des circonstances normales, sans le décès en fait précoce d'Henri le Jeune et de Geoffroy, bon, l'Empire aurait été partagé à ce qu'on appelle l'Empire. Oui, les deux autres frères de Richard voilà, Cœur de Lion. Voilà, donc qui sont morts en 83 et 86. Donc bon, c'est un petit peu le hasard qui explique cela. Chaque partie de ce conglomérat a ses propres traditions, ses propres lois, ses propres intérêts. Bon, même s'il y a une circulation de la cour entre les différents espaces, ça fonctionne pendant à peu près cinq décennies. Et puis ça se désagrège, mais ça se serait désagrégé, je pense, de toute façon. On a d'autres conglomérats de ce type qui apparaissent de manière ponctuelle en Scandinavie, en Europe centrale. Voire dans la péninsule ibérique, et puis qui sont amenés au bout de deux ou trois générations à disparaître. C'était assez difficile. Bon, d'autant plus qu'en effet, la relation avec un roi de France qui est notablement en pleine ascension politique, militaire, est complexe. Donc, on est là à papoter, Frédéric Lachaud, enfin papoter, un clin d'œil à Innocent III, mais c'est pas tout ça, il est peut-être temps de revenir de croisade. Richard Cœur de Lion a équipé une armée à très grands frais. Et il quitte la Palestine, abandonnant à leur sort les chrétiens de Terre Sainte. Et il entre dans l'Adriatique, comptant par Venise rejoindre ses états. Mais il est jeté par la tempête sur les côtes de Dalmatie, un pays barbaresque, d'où il ne peut espérer sortir vivant que s'il n'est pas reconnu. Il se déguise alors et s'efforce de se diriger vers l'Angleterre à travers les états germaniques. Entreprise presque surhumaine à cette époque, et que Richard Cœur de Lion ne réussit qu'au bout de deux années de souffrance et d'aventures nouvelles. Pris au passage par le duc Léopold d'Autriche, il est livré par celui-ci à l'empereur Henri VI, qui l'enferme longuement en prison et ne consent à lui rendre la liberté que contre une rançon énorme et en l'obligeant à s'avouer son vassal. Enfin, un jour de l'année 1194, au bout de 5 ans d'absence, l'Angleterre étonnée voit reparaître son roi qu'elle croyait perdu. Dans l'émission Heure de culture française en 1954, Charles Samaran, historien, archiviste, évoque ce retour compliqué, très compliqué, Fabien Paquet, de Richard Cœur de Lion. Il revient de Terre Sainte, mais pas simple, hein. Oui, j'ai posé un premier jalon tout à l'heure en disant qu'il y avait aussi un contingent impérial qui est dirigé par Léopold V, le duc, effectivement, dont il était question dans l'intervention de Charles Samaran. Et en fait, tout ce monde-là va se disputer la tête de la croisade en Terre Sainte, entre Richard, Philippe et Léopold V. Et visiblement, Léopold V a pris ombrage de certaines actions de Richard, qui l'a vexé, notamment pour des histoires de bannières à lever ou pas sur certains bâtiments. Mais il semble qu'il y a quand même d'autres choses qui expliquent le désaccord entre les deux. Et donc, sur le chemin du retour, saisissant une opportunité, Léopold V va réussir à faire prisonnier Richard et d'abord le garder auprès de lui, puis ensuite le remettre à son seigneur, l'empereur Henri VI. Et c'est Henri VI qui va exiger cette rançon faramineuse, hein, qu'on estime aujourd'hui à environ 20 tonnes d'argent, donc il faut quand même mesurer l'ampleur que ça représente, pour libérer Richard, qui à son tour finit en prison, au grand dam de sa mère, qui est véritablement bouleversée par cet événement. Elle envoie au pape une lettre où elle signe de façon assez politique, très forte, Aliénor par la colère de Dieu, reine d'Angleterre, hein, remplaçant la formule célèbre par la grâce de Dieu, pour montrer toute la hargne de cette femme qu'elle va mettre en œuvre, qu'elle va transformer plutôt en action pour récolter la somme exigée par l'empereur et faire libérer son fils. Mais même avec toute la meilleure volonté du monde, il faut du temps pour mettre en place cette rançon. Et Richard reste plusieurs années dans les prisons de l'empereur, qui sont, comme les prisons d'Aliénor tout à l'heure, relativement une prison dorée. Hein. Il ne faut pas l'imaginer au fin fond d'un cachot. Frédéric Lachaud, incroyable, hein, ce moment-là, Aliénor joue un rôle très important. On imagine, quand elle reçoit la nouvelle que Richard Cœur de Lion, de retour de croisade, a été arrêté, on demande cette rançon énorme, on parle de tonnes d'argent, c'est plusieurs années de revenus du royaume. Oui, tout à fait. Et alors, ce qui est assez extraordinaire, c'est qu'elle a un rôle très important dans la levée des fonds pour payer la rançon. Et le produit de ces levées est gardé dans un coffre qui est scellé avec son sceau à elle et celui de l'archevêque de Rouen. Donc on voit bien qu'elle a un rôle très important. Et Richard demande à ce que sa mère vienne en Allemagne pour négocier sa libération. Donc en 1194, elle est à la cour impériale pour négocier avec Henri VI. Et c'est elle qui conseille, semble-t-il, à Richard de prêter serment de vassalité Henri VI pour faciliter sa libération. Ce qui est un acte qu'on lui a souvent reproché par la suite, bon, qui est sans conséquence, mais à long terme, mais dans l'immédiat, ça a sans doute facilité la libération, d'autant plus qu'il y a une surenchère de la part de Jean Santerre et Philippe Auguste, qui conduit d'ailleurs Henri VI à demander encore davantage d'argent. Disons que la finesse politique d'Aliénor a certainement permis la libération de Richard à ce moment-là. Une fois qu'il est libéré, comment ça se passe? Il rentre directement et quelle place pour sa mère, Aliénor? Alors, il rentre directement en Angleterre. Jean Santerre a une bonne intuition et se réfugie en Normandie pour attendre que la colère passe. Et il y a un second couronnement de Richard, puisque après une période de captivité, c'est assez traditionnel, les rois doivent restaurer leur image. Et Aliénor est présente avec tout son entourage féminin, comme la reine, c'est-à-dire que Bérengère n'est pas présente, Bérengère n'a pas revu, semble-t-il, Richard après la croisade. Donc c'est véritablement Aliénor qui est là et qui, en effet, à ce moment-là, a un rôle important. Ensuite, elle rentre à Fontevraud, c'est sa première retraite. Elle se retire des affaires jusqu'à la fin du règne de Richard. Oui, voilà, elle se retire des affaires, mais symboliquement, enfin, cette femme, cette présence, elle est omniprésente avec Fabien Paquet, des changements de relations évidentes entre le roi d'Angleterre et le roi de France. Ah oui, là, c'est la période où les choses, la tension va monter de plus en plus entre Richard Cœur de Lion et Philippe Auguste. On est dans ce qu'on appelle la décennie décisive de Philippe Auguste à la suite de l'historien américain John Baldwin, c'est-à-dire le moment où Philippe Auguste construit véritablement son pouvoir dans le royaume. Il va mater progressivement les féodaux, il va bâtir une administration de plus en plus solide, il va reconfigurer le centre de son pouvoir, l'hôtel du roi, etc. Et il va se donner les moyens progressivement de lutter contre ce vassal quand même très embêtant qu'est le Plantagenet, puisque on est quand même dans le royaume de France et on a cet homme qui est en plus Richard Cœur de Lion à ce moment-là, donc qui est loin d'être un faible, qui tient des terres qui vont de la Normandie, hein, donc de la Brelle et de la Manche, jusqu'aux Pyrénées quasiment. Donc il y a un domaine plus étendu que le sien, en domination directe, on pourrait dire. Alors que ça reste dans le royaume, hein, il est censé être son vassal, malgré tout. Et à partir de ce moment-là, tout autour de Philippe Auguste, une série de conseillers et lui-même apparaît l'idée qu'il faut quand même calmer ce vassal. Et à l'inverse, Richard, lui, cherche à affirmer son pouvoir contre Philippe Auguste. Il cherche à profiter de la relative jeunesse de Philippe. Il va même lui reprendre des terres, hein, la Touraine, le Berry, par exemple. Il remporte des batailles, par exemple, à Frédéval ou à Issoudun. Et ce qui fait que, à la fin de la décennie, c'est plutôt Richard qui est en position de force. Mais il faut pas négliger le travail sous-jacent, préparatoire, en quelque sorte, de Philippe Auguste pendant cette décennie-là, qui va aboutir à la fin de l'Empire Plantagenet au tournant du XIIe et du XIIIe siècle. Et ce qui prouve la position de force de Richard à la fin de ce siècle, c'est évidemment la construction de Château Gaillard, l'immense forteresse sur la Seine construite entre 1197 et 1198, qui fait, je sais plus, 90 mètres ou 100 mètres de haut, et qui domine, enfin de 90 mètres ou 100 mètres de haut, qui a nécessité 5 ou 6 000 ouvriers pour être construit, etc., et qui va manifester sous une forme de visuellement outrageante pour le roi de France, en plein Vexin, dans la zone frontière entre les deux, montrer que c'est lui le plus costaud, c'est lui qui a le plus d'argent, c'est lui qui a la forteresse la plus puissante, et pour prouver son pouvoir face à son seigneur, en fait. Oui, c'est ça, hein, parce que avec cette construction de ce château Gaillard qui est très imposant, d'ailleurs construction hyper rapide, c'est vraiment un acte symbolique. Et ici, Frédéric Lachaud, pour Aliénor d'Aquitaine, c'est autre chose. Elle se retire, vous nous l'avez dit, à Fontevraud ces dernières années. Elle meurt en 1204, elle a plus de 80 ans. Symboliquement, elle est omniprésente dans ce siècle et elle termine sa vie, j'ai envie de dire, comme on pouvait l'attendre d'une reine et d'une femme du XIIe siècle. Oui, elle termine sa vie, semble-t-il, en prenant le voile sur son lit de mort, donc ce qui est une pratique assez courante. Et sa priorité dans les dernières années, c'est surtout la survie de l'Aquitaine, hein, de transmettre l'Aquitaine à son fils Jean. Là, elle fait vraiment des efforts énormes, peut-être davantage que de transmettre l'ensemble du conglomérat à son fils. C'est vraiment l'Aquitaine sa priorité. Avec, après sa mort, évidemment, où laisser son corps, Fontevraud comme une évidence, avec un célèbre gisant. Pour Aliénor, le regard d'Aliénor concède le droit au silence du livre. Sur ses yeux, l'ange posera yeux pleins, yeux vides, yeux loin, yeux proches, yeux clairs, yeux sombres. L'aile qui prévoit la beauté du repentir, au roi, aux reines, en premier s'adresse les psaumes. Cœur clair, cœur sombre, cœur pur, cœur trouble, cœur lourd, léger. De la pénitence royale pour des fautes de longue vie avant la longue éternité. Un poème Oulipo sur Aliénor, un poème de Jacques Roubaud, écrivain mathématicien dans son livre d'Aliénor, une lecture de Frédéric Labussière dans le cours de l'histoire sur France Culture, une émission réalisée par Thomas Beau avec aujourd'hui à la technique Alex Dang. Ici, Fabien Paquet, vous nous l'avez évoqué, la fin des Plantagenets, en tout cas de l'Empire, et je remets les guillemets Plantagenets, c'est déjà là, quoi. Oui, bah c'est effectivement... L'historien David Betts disait l'Empire Plantagenet, c'est d'abord un homme, puisqu'il n'y a pas de titre impérial, etc. Et c'est Henri II qui avait incarné tout ça. En écoutant et puis en participant à ces émissions, on a envie de dire c'est aussi et surtout peut-être une femme, Aliénor, qui a incarné pendant toute sa vie cet équilibre, cet équilibrisme même entre toutes les terres qui sont dominées, comme l'a dit Frédéric Lachaud tout à l'heure, de droits différents. Et c'est ça qui va contrer majoritairement. Et il semble que chez Aliénor, il y a quand même une conscience de faire groupe, faire dynastie dans cette famille qui a été déchirée malgré tout. Et Fontevrault va être l'écrin qu'elle a choisi elle-même de ce groupe en devenant une des nécropoles de la monarchie anglaise et qui va accueillir une série de personnages. Henri II qu'elle met elle-même à Fontevrault quasiment de sa propre décision puisqu'il voulait être enterré à Grandmont. Son fils Richard, qui se fait enterrer près de son père, comme un... Alors certes, c'est une réconciliation post-mortem, mais c'est aussi la promesse d'être près de sa mère quand elle arrivera, ce qui devrait bien arriver un jour. Et puis elle-même, et puis d'autres ensuite. Dans cette abbaye qu'elle a soutenue, où elle a été, et qui est une affaire de famille, la deuxième abbesse de Fontevrault, c'est la tante d'Aliénor, par exemple, pour replacer tout ça. On est vraiment dans un monde qui cultive quand même une identité à ce moment-là, et qui s'incarne dans le lieu de Fontevrault. Et où Aliénor, dans son gisant, va opter pour une position avec un petit livre ouvert qui a beaucoup fait parler. On se demande ce qu'il y a décrit sur ce livre, bien évidemment. Et c'est ce qu'a donné l'imaginaire du poème de Loulipo que nous avons lu. Oui, c'est ça. Hein. Sur ce gisant polychrome, il y a Aliénor qui lit un livre, Frédéric Lachaud. Cette figure d'Aliénor, et moi je reprends l'expression de Fabien Paquet, cette période, c'est une usine à légende. Cette figure d'Aliénor, elle a été tellement manipulée par les chroniqueurs, mais contemporains, par la suite et jusqu'à aujourd'hui. Oui, c'est une question assez complexe. Hein. Je pense qu'on n'a pas fini de décrypter en fait les récits des chroniqueurs. Ça n'est pas simplement une question de chronologie, hein, que la légende noire se serait construite par la suite, etc. C'est vraiment aussi une question de parti pris. Et la plupart de ces chroniqueurs, tous les chroniqueurs anglais, sont pour certains proches de la cour de France, ont séjourné en France. Enfin, donc ont un agenda politique qu'on ne comprend pas toujours. Et je pense qu'aujourd'hui, enfin, on a des travaux en cours comme ceux de Daniel Powell sur l'image d'Aliénor en Aquitaine au XIIIe siècle, et on commence à mieux saisir ces différents textes. Oui, parce que c'est un monde, on a cessé de le rappeler, extrêmement divers, qui nécessite pour l'historien, pour l'historienne, de compulser des sources différentes, de langues différentes. C'est pas simple. Hein. Oui, non, et puis la plupart. Alors, curieusement, ce qu'on sait de la cour de Louis VII et de Philippe Auguste, on le sait avant tout par des chroniqueurs anglais. L'écriture de l'histoire en Angleterre, comme le disait Fabien tout à l'heure, est extrêmement riche hein, pour des raisons liées à la conquête, hein, à l'identité nobiliaire. Mais il faut mieux comprendre en fait ces chroniqueurs pour mieux évaluer. Je pense que c'est un travail qui est encore à faire hein, en grande partie. Hein. Fabien Paquet, vous avez dirigé cet ouvrage Maîtriser le temps et façonner l'histoire. Les historiens normands au Moyen-Âge, bah oui, c'est ça, c'est ce qui s'est passé et surtout ce qu'on en a dit par la suite. Oui, et puis surtout tous les mythes avec lesquels ils travaillent et qu'ils réactivent en permanence. Les chroniqueurs médiévaux sont des gens qui veulent faire des histoires, des belles histoires qui se lisent, qui s'entendent, qui s'écoutent. Et s'il y a une histoire qui est très bien dans un auteur antique, même si ça s'est pas passé pour l'épisode en question, on va dire que ça s'est passé comme ça à la bataille parce que c'est quand même plus sympa à raconter. Et puis ça muscle le récit, ça le met dans des traditions historiques différentes. Et là, on touche à la pratique de l'écriture de l'histoire au Moyen-Âge plutôt qu'à la vraie histoire telle qu'on l'a fait. Et effectivement, notre travail à nous, c'est de débusquer en croisant ces chroniques, mais aussi et surtout les chartes dont on a peu parlé, qui sont émises par les rois, et Aliénor en émet des dizaines et des dizaines, qui sont beaucoup plus arides, mais qui sont aussi un moyen de toucher le pouvoir au quotidien, les actions au quotidien, avec les témoins qui assistent aux donations, etc. Et puis, pour terminer, Frédéric Lachaud, bien sûr, la reconstruction historique, les chroniqueurs, etc., etc. Mais on peut le dire aussi, Aliénor elle-même a construit son histoire, c'est-à-dire qu'elle sait exactement quelle place elle veut occuper dans cette narration. Elle sait également l'image qu'elle veut laisser d'elle-même. Enfin, je pense que la commande de son fameux gisant, qui est tout à fait révolutionnaire hein, à l'époque avec son drapé très, très novateur, c'est caractéristique de sa volonté de laisser une image splendide. Ben, l'image est splendide et cette narration l'était aussi. Merci vivement à vous deux, hein, Frédéric Lachaud, Fabien Paquet. C'était éclairant pour terminer cette histoire, ce crépuscule des Plantagenets, avec une certitude, Aliénor ne meurt jamais. Éléonore, j'espère que nous ne mourrons jamais. Moi aussi. Avons-nous une petite chance d'être immortels? Ah. pourquoi faut-il afficher le portrait présidentiel dans toutes les mairies de France ? Le 11 mai 2023, dans le sillage de la loi sur le drapeau européen, les députés français ont voté un amendement rendant obligatoire le portrait présidentiel dans les mairies. Jusqu'à l'adoption de cette loi, même si c'était l'usage, les maires n'étaient nullement obligés, en effet, d'afficher le portrait du chef de l'État. C'est pourquoi des voix se sont élevées au nom du respect des libertés locales pour dénoncer ce qui a été présenté comme un abus de pouvoir de la part du président Emmanuel Macron. Cet amendement a été vu comme une étape supplémentaire dans la personnalisation du pouvoir. Certains ont rappelé qu'avant cette loi du 11 mai 2023, le seul régime ayant rendu obligatoire l'affichage d'un portrait présidentiel dans les mairies n'était ni républicain ni démocratique. Il avait été imposé le 9 octobre 1940 par une instruction de Marcel Perrouton, ministre de l'Intérieur du gouvernement de Vichy. Celui-ci avait exigé, en effet, que le portrait du chef de l'État français soit affiché sur les murs des établissements publics, notamment des préfectures et des mairies, des établissements d'instruction, des bureaux de poste. Cette instruction ministérielle fut abrogée à la Libération. Certes, dès le début de la Troisième République, il fut d'usage de placer le portrait officiel du président dans les mairies et les lieux publics, mais le premier qui inaugura cette coutume s'appelait Adolphe Thiers, président de la République française de 1871 à 1873. Or, le peuple français ne l'appréciait guère, car c'est lui qui ordonna le massacre des communards en 1871. Dans les décennies suivantes, beaucoup de républicains exprimèrent leur réticence à l'égard d'une coutume qui contribuait au processus de personnalisation du pouvoir politique. En 1888, par exemple, une polémique éclata à Auxerre autour de cette question. Un des conseillers municipaux de la ville demanda que, dans la salle du conseil municipal, on enlève le portrait du président Sadi Carnot. Selon ce conseiller, la force de la République résidait dans l'impersonnalité du pouvoir et non pas dans la diffusion du portrait de celui qui la représente. Un député de Lyon répliqua aussitôt dans la presse pour tenter de régler ce qu'il appela l'affaire du portrait de M. Carnot. En partant du constat que la majorité des électeurs saisissent mal les idées abstraites, il estimait qu'un régime qui prône l'impersonnalité du pouvoir est incapable d'endiguer les tentatives de renversement politique par la force. Il ajoutait que les portraits de Napoléon Bonaparte avaient contribué à l'avènement de Napoléon Ier et ceux de son neveu avaient joué un grand rôle dans la chute de la Seconde République. Cette polémique éclata au moment où le régime républicain était menacé par le général Boulanger, dont la popularité devait beaucoup aux photographies de lui largement diffusées dans la presse. Voilà pourquoi, dans un monde où l'image commençait à jouer un rôle de plus en plus important, il fallait que la photographie du président de la République soit installée dans toutes les mairies de France. Merci beaucoup Gérard Noiriel. C'était le cours de l'histoire sur France Culture, une émission préparée par Jeanne Delecroix, Anne Toscane-Vudès, Jeanne Copet, Mathieu Copal et Maïwenn Guizhou. Le cours de l'histoire est aussi une émission qui est en écho avec nos France Bleu, en l'occurrence France Bleu Normandie. Merci à Thibault Lebar pour le duplex. Le cours de l'histoire à écouter, à podcaster sur notre site franceculture.fr et l'appli Radio France.